Quel imbécile! Quel abruti! Tirer sur son chien, dans son jardin! C'est pas très malin, c'est pas du tout malin! Quel crétin!